des heures et des journées passées à tes côtés, il se peut que je t'aime. Des phrases commencées et toujours déviées pour cacher le problème, et toujours un soupçon qui rend la situation toujours plus équivoque. Rien allait de plus, pourtant je me suis tu. J'en souffre et tu t'en moques. Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi n'oses-tu pas que moi je sache au moins à quel saint me vouer? Pourquoi ne dis-tu rien? Comme moi tu le vois, cet immense chagrin que j'ai à supporter. Des allées, des venues, et la vie continue sans que tu le soupçonnes. Il y avait avant, pour moi, et maintenant, on prenne qui se dote. Ah, si je me doutais qu'il n'y a rien de vrai dans chacun de mes rêves, je voudrais oublier et mon espoir renaît quand le matin se lève. Ne dis-tu rien, pourquoi n'oses-tu pas que moi je sache au moins à quel saint me vouer? Pourquoi ne dis-tu rien, comme moi tu le vois, cet immense chagrin que j'ai à supporter? Des regards échangés, ou par complicité, ou bien pour autre chose. Et la peur de parler quand je suis décidé à te plaider ma cause. Cette timidité, ce besoin de cacher pour l'autre un état d'âme. Et cet envoûtement, ce n'est qu'un sentiment qui engendre mon drame. Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi n'oses-tu pas que moi je sache au moins à quel saint me vouer? Pourquoi ne dis-tu rien, comme moi tu le vois, cet immense chagrin que j'ai à supporter, que j'ai à supporter.